Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chronique Autoconso. C'est la quatrième chronique. Comme chaque mois, eh bien, on se retrouve pour parler énergie, habitat et solutions concrètes avec notre partenaire Triangle Autoconso. Notre expert qui est tout seul aujourd'hui, Teddy, pas de Julien aujourd'hui, Teddy. Pas de Julien aujourd'hui, il nous rejoindra la prochaine fois. Donc je rappelle Teddy que tu es responsable commercial donc pour Triangle Autoconso, mais toutefois tu as des invités aujourd'hui. François Rivière, directeur général pour l'entreprise Arcis. Bonjour François. Bonjour. Et puis Guillaume Leroyer qui est technico-commercial chez Arcis également. Bonjour. Bonjour. Alors plusieurs thèmes, hein, comme à chaque fois Teddy arrive le baluchon plein d'idées, plein de conseils et d'astuces pour vous. Aujourd'hui dans cette première partie, on va parler d'adapter sa maison plutôt que de déménager. On commence donc avec ce constat simple, c'est que on déménage aujourd'hui moins qu'avant, Teddy. C'est un petit peu quelque chose que tu as repéré. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qu'on constate selon un sondage OpinionWay, c'est que 31% des Français souhaitent agrandir leur maison plutôt que la vendre quand il manque d'espace. Et ça fait sens parce que on parle aujourd'hui, quand on achète une maison, de frais de notaire, de prix de l'immobilier qui n'ont pas forcément diminué. Alors la que hausse des taux. Exactement, la hausse des taux. Et par exemple, on parle de hausse des taux. Il y a 4 ans, post-Covid 2021, quand on achetait un bien à 1% sur un bien qui coûtait en moyenne 250 000 euros par exemple, on était à 1100 euros de mensualité, là où aujourd'hui on dépasse les 1500 euros pour le même bien, donc on n'a pas forcément nos salaires qui ont évolué de la même manière. Donc beaucoup de Français envisagent, plutôt que de déménager, ce qui a un coût important, d'apporter plutôt une extension de maison, alors soit de manière en hauteur, donc on peut couper son toit, surélever, on appelle ça une surélévation, soit sur le côté de sa maison, ou alors nos invités d'Arcis pourront en parler. On peut avoir avec le télétravail, des bureaux dans son jardin, des choses comme ça. C'est plus d'actualité aujourd'hui. Absolument, ça devient tendance. Effectivement, on parle beaucoup des aménagements extérieurs, donc carport, abri. Et pourquoi ça marche autant? Alors là, on peut donner aussi la parole à tes invités aujourd'hui. Donc je rappelle François et Guillaume, respectivement directeur général et technico-commercial chez Arcis. Ah oui, de plus en plus, on voit, une fois qu'il y a des lotissements qui se créent, on peut apercevoir dans les années qui suivent quelques abris de jardin, puis le garage qui était accolé à la maison devient pièce à vivre pour agrandir l'espace vital de la maison. Du coup, il faut des garages pour pouvoir mettre les voitures et ranger d'autres choses. Donc là, nous, on intervient beaucoup pour ça, en faisant des bâtiments soit indépendants au fond du terrain, soit des bâtiments qui peuvent être aussi accolés à la maison. Il y a une moyenne en mètres carrés de ces... On a beaucoup d'abris de jardin qui vont jusqu'à dans les 11-15 mètres carrés, c'est nos gros standards. Et après, sur les garages, on a beaucoup de garages dans les 30-36 mètres carrés qui permettent de mettre deux voitures ou une voiture et une partie abri de jardin ou atelier aussi. Ouais. On a également un marché qui se développe beaucoup, c'est le marché du camping-car. Parce que beaucoup de Français aujourd'hui investissent dans les camping-cars. C'est 30 000 personnes qui ont des camping-cars aujourd'hui en France. Et donc, ils ont besoin d'espace pour ranger leur camping-car à l'abri, les protéger des intempéries, etc. Donc, Arcis intervient aussi beaucoup dans la construction de ces abris pour les camping-cars. Et c'est vrai que nous, on constate aussi, alors on travaille régulièrement avec Abri Arcis sur ce type de projet. Et aujourd'hui, comme le disait Guillaume, on avait un garage donc qui était un espace construit. On va manquer d'une chambre, donc on va aménager ce garage, mais on a toujours besoin de stockage et de garage. Donc souvent, le garage, on vient le transformer en pièce à vivre et l'utilité du garage est toujours là. Donc on vient faire une extension pour rajouter du coup un garage, mais qui va aussi potentiellement plus coller à nos besoins parce que les besoins sont évolutifs, on n'a pas les mêmes besoins quand on achète sa maison et 10 ans après quand on a potentiellement une famille, un peu plus de matériel parce qu'on en entasse parfois un peu, donc ça permet aussi de suivre et d'avoir un projet qui est évolutif plutôt que de changer de maison comme on le disait en début d'émission, ce qui engendre des coûts qui sont ultra importants, quoi. D'où le fait de faire très attention quand on acquiert un bien immobilier de savoir si on peut justement agrandir ou non. Exactement. Ça fait partie aussi des choses à prendre en compte, oui, j'imagine. On a beaucoup de clients, ça nous arrive malheureusement, qui achètent une maison. Quand ils achètent la maison, on leur dit « oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez agrandir, vous pourrez construire ». Et le jour où ils entament les démarches, comme par hasard, le terrain n'est plus constructible. Donc ça arrive. Donc c'est toujours un conseil à donner quand j'ai des clients qui veulent acheter une maison, c'est toujours de faire le permis. Un permis, ça peut se reporter sur plusieurs années, mais au moins, ils ont le permis. Et idéalement, même faire le permis avant la vente. Parce qu'on a le droit de déposer un permis, même si on n'est pas propriétaire. Ouais, donc ça permet de mettre une clause suspensive en cas de refus de la mairie de rendre la vente caduque, mais de savoir en amont si le projet est viable ou non. Il doit être déclaré quand même, parce qu'on est dans des questions très législatives là, mais c'est un abri de jardin, je le déclare ou pas ? Alors un abri de jardin entre 5 et 20 mètres carrés, c'est une déclaration de travaux. Une simple déclaration de travaux à la mairie, mais qui peut être refusée aussi. En dessous de 5 mètres carrés, si on est en bâtiment de France, il faut le déclarer. Si on n'est pas en bâtiment de France, il n'y a pas de déclaration à faire. Un bâtiment de moins de 5 mètres carrés intérieur, on le prend, on le met où on veut. Et d'accord. Au-dessus de 20 mètres carrés, permis. Ok, ça veut dire que j'ai payé une taxe ? Et alors, il y a une taxe d'aménagement. des vraies questions concrètes. Ouais. Il y a une taxe d'aménagement donc, qui a réglé l'année où on fabrique, où on pose le bâtiment. Donc ça, c'est chaque commune et chaque département qui calcule, qui donne un taux pour cette taxe-là. D'accord, c'est propre au territoire. Exceptionnellement, pour la première année depuis très longtemps, a baissé cette année. Mais sinon, voilà, il y a cette taxe-là. Et après, la superficie du bâtiment va rentrer dans la taxe foncière. Donc là, ça représentera quelques dizaines d'euros, mais la taxe d'aménagement peut représenter plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros si on est sur des gros bâtiments. Mmh. Donc c'est à prendre en compte quand même. Ouais, et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les choses sont toujours évolutives, c'est-à-dire qu'un terrain qui est constructible à un moment donné peut ne pas le devenir dans les années qui suivent, parce que dans les communes, ça évolue, et les surfaces constructibles, eh bien, elles sont modifiées au fur et à mesure qu'évolue le PLU à l'intérieur de la commune. Ah, oui. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de déposer son permis au plus tôt, pour s'assurer que dans les années à venir, on pourra continuer à envisager cette construction. Mmh. Parce que parfois, 4 ans, 2 ans, 3 ans, ça change tout. Mmh. Voilà. Et donc, ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus 2 ans ou 3 ans après. Est-ce qu'il y a un délai, une fois qu'on a l'acceptation du permis de construire, pour lancer les travaux ? Oui, il y a un délai, mais un permis, on peut le repousser plusieurs fois. D'accord. Donc il est valable 2 ans et on doit pouvoir le repousser 2 fois ou 3 fois à 1 an, je crois. D'accord. Je pense que de toute façon, la banque, c'est un petit peu pareil. Tu ne peux pas repousser ad vitam aeternam quand tu envisages des travaux. Donc tout ça se recoupe. Non, mais ça permet de prendre date, en effet. Oui, bien sûr. Donc Teddy, la transition qu'on peut faire là avec l'aspect énergie, c'est que ces structures, elles deviennent productrices d'énergie. Alors oui, en effet, aujourd'hui, on travaille avec Abri-Arcy sur la solarisation de leurs structures. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'avantage quand on ajoute une structure à la maison, c'est qu'on peut déterminer l'inclinaison, l'orientation du toit, et donc rendre la structure le plus favorable possible au solaire. Et donc ces structures, elles peuvent, plutôt que d'être uniquement une dépense, devenir en plus un investissement, apporter de l'autonomie énergétique à nos clients. On peut effacer, grâce à ces structures, 20, 30, 40, 60% de la facture d'électricité. Tout dépend de la surface disponible et des consommations d'électricité. Donc aujourd'hui, on le voit quand même, on arrive à faire un match entre les deux besoins, le besoin d'autonomie, le besoin de réduction de la facture d'électricité et le besoin d'ajouter de la surface. Et nos deux entreprises sont partenaires et elles ont l'habitude de travailler ensemble et c'est aussi une solution clé en main pour nos clients. Donc aujourd'hui, on ne change plus de maison, on optimise celle qu'on a avec des solutions plus accessibles, plus rapides et parfois même productrices d'énergie, comme tu viens de nous le dire. Eh bien, je vous propose qu'on marque une pause en musique. Et tiens, au hasard, on va se diriger vers Dire Straits. Alors, on ne dira pas que Guillaume aime bien et pourquoi pas suggérer. D'ailleurs, c'est quel titre qu'on va écouter ? Lady Writer. Ah oui, très bon choix. Très bon choix qui est validé par Maxime en technique, qu'on remercie d'être là. On écoute Dire Straits. Just the way that I have fell down around. D'ailleurs, Stretz, sur Radioactive, vous nous retrouvez dans la chronique Autoconso avec Teddy de Triangle Autoconso, mais qui n'est pas venu seul aujourd'hui, puisqu'on accueille l'entreprise Arcis, François Rivière, directeur général, et Guillaume Leroyer, technico-commercial. Première partie d'émission, on a parlé d'adapter sa maison plutôt que de déménager, mais de créer des extensions. Et là, maintenant, on va parler des coupures et de l'autonomie énergétique, des coupures électriques notamment. On entend de plus en plus parler justement de baisse de tension, de micro-coupures, des lumières qui vacillent, des appareils instables. Ce sont des situations qui concernent déjà de nombreux foyers, notamment en zone rurale. Et d'ailleurs, on a Marc de Saint-Règle qui a régulièrement des coupures d'électricité et qui se demande si le solaire peut l'aider, Teddy. Déjà, pourquoi ça arrive ? Donc oui et non, le solaire peut l'aider. Alors pourquoi ça arrive ? Aujourd'hui, ça arrive parce que donc on peut être en début de ligne ou en bout de ligne, hein, comme on dit. C'est soit on est plus ou moins loin du poste de transformation, donc de l'électricité, pour nous acheminer en électricité. Plus on est loin, plus il y a de gens qui se servent avant, et potentiellement, il y a certains secteurs, surtout en milieu rural, et notamment l'hiver, quand on a beaucoup de consommation, où on peut avoir des sous-tensions, voire des coupures, liées à la demande d'électricité qui est trop importante sur des moments clés. Donc, pourquoi ça arrive ? Je viens de vous l'expliquer. Est-ce que le solaire est une solution ? Alors, parfois oui, parfois non. Aujourd'hui, le photovoltaïque, il y a des nouvelles solutions qui permettent d'avoir de l'autonomie en cas de coupure d'électricité. C'est par exemple des choses qu'on propose chez Triangle Autoconso. Le principe, c'est de charger sa batterie via le photovoltaïque ou via le réseau électrique si on anticipe une coupure d'électricité, parce qu'en fait, dans les faits, la plupart des grosses coupures d'électricité, on arrive à les anticiper. C'est une tempête, c'est prévu par Enedis. Ces coupures-là, en les anticipant, on charge sa batterie en amont. Et en cas de coupure, on va pouvoir avoir 12, 24 heures d'autonomie, par exemple, en alimentant, par contre, uniquement les appareils essentiels. On va parler de quelques ampoules, on va parler du frigo, du congélateur, mais on n'est pas autonome pour faire son chauffage, et c'est pas Versailles à la maison, en cas de coupure d'électricité. Donc, c'est des choses qui sont possibles, on garde pas le même confort. Après, aujourd'hui, les chiffres du réseau Enedis, donc on n'est pas tous égaux sur les coupures d'électricité. C'est une tension normale, on sait ce que c'est Ouais, une tension réseau classique, on est à 230 volts à peu près. D'accord. Et Enedis doit nous fournir à minima 207 volts. Donc on peut le constater. Alors ça m'est arrivé pas plus tard que cet hiver, chez moi, descendre à 180 volts. Et ben, ma pompe à chaleur est tombée en panne, ça a grillé la carte électronique. Donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Okay. Et parce que j'ai eu une coupure du coup à la suite de ça, et sous tension plus coupure, ça n'a pas du tout aimé. Et si j'avais chargé ma batterie en amont, j'aurais pu pallier cette coupure, éviter donc toutes les démarches, assurance, et puis quand ça tombe en panne, le chauffage d'hiver, c'est au même moment que tout le monde, donc le temps de se faire dépanner, c'est pas l'idéal. C'est des situations qui risquent de s'aggraver dans les années à venir, ça, vu qu'on sollicite quand même énormément l'électricité. Alors, potentiellement, aujourd'hui, Enedis renforce ses lignes, hein, au quotidien. Les agents d'Enedis font un travail qui est formidable. Si on relativise aujourd'hui les chiffres 2023 d'Enedis sur les coupures non planifiées, c'est 55 minutes en moyenne par foyer. Donc, c'est relativement peu. Oui, le congélateur va pas. Non. On va pas mettre en péril les denrées qui sont congelées. Non, exactement. La seule chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Et ouais, c'est plutôt sur ces coupures non planifiées, comme on le disait tout à l'heure, quand on a une grosse tempête où tous les agents Enedis sont sur le terrain 24 heures sur 24 pour établir le réseau. Et ben, ils font par priorité. Et c'est d'abord les plus grosses zones, puis les plus petites. Donc, il y a quand même un intérêt. J'ai des clients qui, sur les dernières tempêtes, ont eu 2-3 jours sans électricité. Wow. Donc sur ce type de problème, il y a une vraie solution qui est liée au solaire. Et on a en plus maintenant sur nos applications la possibilité de prévenir, tiens, il y a une tempête, de prévenir l'application pour qu'elle charge la batterie et qu'elle la maintienne chargée en cas de coupure. Donc on peut en plus l'anticiper, et ça sert aussi à des clients par exemple qu'on a qui sont informaticiens, qui font énormément de télétravail, qui ne peuvent pas subir une coupure d'électricité. Et du coup, le solaire permet quand même d'aller chercher du coup, de l'autonomie maîtrisée en cas de coupure d'électricité via la batterie de stockage. Et un système spécifique à installer en plus. Ce qui est mieux que le groupe électrogène. Ça fait moins de bruit. Ouais. Et le gros avantage, c'est que le système de backup qu'on appelle en photovoltaïque, il bascule en 10 millisecondes. Donc c'est imperceptible pour les appareils électriques, l'ordinateur ne se coupera pas, la box internet ne se coupera pas, alors que si vous devez aller allumer le groupe électrogène, tout s'est déjà éteint, la visio est terminée, ou les serveurs, nos clients sont éteints. Donc pour le congélateur, 5 minutes, c'est pas très grave. puis le groupe électrogène en zone urbaine, les voisins la nuit, je suis pas sûr qu'ils soient hyper contents. Et là, tu disais, une coupure Enedis, on peut être en moyenne 55 minutes sans électricité. Avec la batterie, là, dont tu nous parles, cette batterie solaire, combien de temps on a d'autonomie ? Alors, l'autonomie de la batterie est directement liée à deux éléments. La consommation. Un, la consommation, ouais. Et deux, sa charge. Mais pour faire simple, si on alimente un frigo, un congélateur, une dizaine d'ampoules, la télé, la box internet pour garder un minimum de confort, on peut avoir entre 12 et 24 heures d'autonomie, voire 36 heures en fonction de la taille de la batterie. Tout en sachant qu'en plus, l'idée c'est surtout de passer la première nuit. Parce que dès le lendemain, le système solaire va se remettre à produire, même si on n'a pas d'électricité, pour alimenter la batterie. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de très grosses batteries. Ce qu'il faut se dire, c'est surtout que c'est un appareil qui permet d'éviter la coupure, de garder du confort, et que chez vous, il reste la lumière, quand chez vos voisins, tout est éteint. Vous fermez les volets, parce que sinon, ils risquent tous de vouloir venir se brancher chez vous. C'est hyper important. Non, mais ça, voilà, ça permet d'ouvrir les volets, c'est des choses toutes bêtes, mais quand on a une coupure d'électricité, on se rend vraiment compte que c'est essentiel. Et en plus, on a quand même une demande, pour répondre à la question, hein, quand même, en électricité, qui augmente, on estime à plus de 35% d'augmentation de consommation d'électricité d'ici 2035. Ah oui. Pas étonné. Vous êtes d'accord, François et Guillaume, sur cette solution qu'est la batterie solaire ? Oui, je pense que c'est une bonne solution. Ça permet à chacun d'être de plus en plus autonome par rapport à la distribution d'électricité. Et puis, c'est quelque chose qui devient économiquement de plus en plus intéressant. Les batteries sont de plus en plus performantes. Elles ont une durée de vie de plus en plus longue. Donc, ça permet vraiment d'assurer dans le temps cette autonomie que chacun va avoir besoin dans les années à venir. Et je rejoins François parce qu'on a beaucoup de clients qui... alors avant, c'était le solaire, on ne savait pas si c'était fiable. Maintenant, on le sait. Et aujourd'hui, les questions se posent beaucoup sur les batteries. Aujourd'hui, nos batteries, elles sont garanties 15 ans. Donc on est vraiment des systèmes qui sont... Mais encore une fois, on travaille avec du matériel professionnel. Et le groupe Le Triant, pour qui du coup on travaille, a fait une installation photovoltaïque pour ses ateliers de thermolaquage avec l'équivalent, si je prends les batteries qu'on installe chez les particuliers, de près de 200 batteries de stockage, pour vous donner un équivalent sur la capacité de stockage. Donc si on est à même de le faire sur une usine de thermolaquage avec des gros consommateurs et de la grosse puissance, en fait, on miniaturise les installations pour le faire pour les particuliers. Et c'est très, très fonctionnel aujourd'hui. C'est le choix que font maintenant les usagers, j'ai envie de dire, Guillaume, d'aller vers de la batterie sur ces extensions, par exemple, extérieures ? Oui, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent, l'utilisation des batteries. Environ 8 installations sur 10 aujourd'hui chez nous. Les gens demandent une batterie de stockage. S'ils la mettent pas au début, ils la mettront au bout d'un an. En fait, ils se prennent quand même au jeu, mais c'est bien. C'est la réduction de son empreinte carbone aussi. Et de se dire, mais la journée, quand je produis cette électricité, ils peuvent être parfois frustrés s'ils n'ont pas mis de batterie le soir d'en payer, alors qu'ils en ont surproduit la journée. Et là, on le constate, là, on arrive... alors, cette émission passera au mois d'avril, mais dès le mois de mars, on a des clients qui sont... autonome à 90-95% jour et nuit grâce à la batterie de stockage. Dès qu'on commence à couper le chauffage, on arrive à avoir des super bonnes autonomies. Et c'est une autre démarche, c'est une autre manière de voir les choses. Ils gèrent leurs usages, ils sont attentifs, ils regardent. Voilà, là aujourd'hui, les clients que je supervise, on est à peu près, ils arrivent vers 5, 6, 7 heures du matin à ne plus avoir de charge dans la batterie et hop, le solaire reprend le relais. Donc c'est hyper, pour nous, c'est une bonne nouvelle. On est content de pouvoir avoir aussi ces chiffres-là qui sont super encourageants. Sachant aussi que la batterie permet d'avoir une meilleure autoconsommation. Il vaut mieux autoconsommer son électricité qu'on produit plutôt que de la revendre aujourd'hui sur le réseau, dont le tarif a considérablement diminué. Donc il est important que chacun puisse autoconsommer un maximum de sa production d'énergie. Et la batterie, pour cela, est très efficace. Quoi. C'est ce que nous demandent aujourd'hui nos clients, hein, réellement. Hein, ils veulent... alors, j'ai des clients qui ont des puits, ils ont de l'eau dedans, ils n'ont pas de pétrole. L'électricité, c'est la seule source d'énergie qu'on arrive à produire et à consommer chez soi. Donc, il y a quand même cette histoire d'indépendance liée à l'électricité. Et comme le disait François, la batterie, il ne faut pas la voir... on charge pas sa batterie l'été pour la décharger l'hiver. Hein. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. C'est plutôt le jour pour la nuit. Voilà, sur la semaine, ça s'utilise relativement bien. Il faut vraiment le voir comme un volume, une grande bassine dans laquelle on stocke de l'électricité qu'on va réutiliser le soir quand il n'y a plus de lumière. C'est plutôt, je charge, je décharge et on... on vient compenser. Si à midi j'ai trop d'électricité et qu'à midi 2 j'en manque parce que je viens d'allumer ma plaque à induction et le four, et ben je reprends ce que j'avais en trop il y a 2 minutes. Puis c'est une manière de sécuriser aussi son habitat, comme tu le disais tout à l'heure, éviter que les appareils coupent, et voilà, c'est aussi une question de sécurité, il faut le dire. Oui, c'est ça, et c'est une demande qui est grandissante, on le voit, nos clients, il y a quelques années, nous demandaient uniquement des panneaux solaires, aujourd'hui, ils veulent des panneaux solaires et une batterie de stockage, et dernièrement, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur cette solution et qu'on l'a développée, c'est relativement récent, mais ils nous demandent, alors peut-être contexte, géopolitique, voilà, il y a plein de facteurs aussi, mais... ils veulent pouvoir assurer, on va dire, le service minimum en cas de coupure d'électricité, si c'est prévu, de se dire, voilà, je veux au moins pouvoir alimenter mon frigo, mon congélateur. Donc, on est là aussi pour répondre à la demande de nos clients. Très bien. Pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu les précédentes chroniques autoconso, tout ça, c'est quelque chose qui est accessible financièrement? Est-ce qu'il y a des aides proposées pour acquérir ces batteries, notamment, par exemple? Alors aujourd'hui, là, dans le photovoltaïque, il n'y a pas d'aide comme MaPrimeRénov', de grosses incitations à faire du photovoltaïque. Une petite prime quand on vend l'électricité à EDF, mais qui est relativement négligeable, ça ne vient pas donner un coup de pouce au projet. On a quand même une aide qui est une diminution de la TVA. On a un taux de TVA sur des petites installations, alors potentiellement avec batterie, à 5,5% sur toute l'installation. La batterie reste, elle, à 20%, donc c'est quand même une aide qui est non négligeable. Et la principale aide, elle est sur le fait qu'en fait, vous réduisez votre facture d'électricité qui est amenée à, elle, potentiellement augmenter dans le temps. On en a parlé la dernière fois. Donc la principale aide, elle est surtout de se rendre plus autonome, de faire de vraies économies d'électricité. Et quand on efface déjà la moitié de sa facture d'électricité, on est quand même plus à l'aise. Absolument. Merci beaucoup Teddy. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette émission avec la découverte de cette entreprise qui est Arcis. Et quoi de mieux pour en parler que deux professionnels, à savoir le directeur général, François Rivière, qui est avec nous, et puis Guillaume Leroyer, technico-commercial. Teddy, je te laisse prendre le relais pour nous faire découvrir cette entreprise. Eh bien, avec plaisir. Donc, messieurs, du coup, est-ce que vous pourriez nous présenter Arcis? Oui, bien sûr. Donc Arcis, c'est une société qui a un peu plus de 20 ans. Elle est composée d'environ 25 personnes et on commercialise des abris de jardins, des garages isolés dans lesquels il n'y a pas de condensation. On propose aussi des garages pour camping-cars et on propose également des chenils pour accueillir nos amis les bêtes, tels que les chiens, les chats. Et on propose ces produits sur toute la France, soit en installation par nos propres équipes, soit en kit où nos clients viennent eux-mêmes installer ces produits pour lesquels on a conçu des notices de montage, des vidéos sur YouTube, etc. pour aider nos clients à faire ces installations. C'est génial, ça veut dire qu'un client peut soit acheter et poser lui-même, soit acheter et faire poser par l'entreprise. Tout à fait. Et vous faites aussi, on a pu le voir dernièrement, mais je crois que c'est Guillaume le spécialiste de cette partie-là, les garages pour collectionneurs de véhicules, on en a fait un dans le Loir-et-Cher. Oui, on a fait un beau bâtiment donc dans le Loir-et-Cher pour que notre client puisse stocker ses véhicules et on a mis avec Triangle Autoconso des panneaux photovoltaïques dessus. En fait, l'avantage de nos bâtiments, donc, ils sont faits en panneaux sandwich. Le panneau sandwich, c'est deux plaques en acier galvanisé avec 40 mm de mousse polyuréthane entre les deux. Et ce qui est intéressant, comme l'a dit François, c'est qu'il n'y a pas de condensation dans le bâtiment parce que les deux plaques ne se touchent pas. Mm-hmm. Donc on a une rupture du pont thermique. Donc ça plaît beaucoup à nos clients, que ce soit les collectionneurs de voitures, évidemment pour ne pas avoir d'humidité dans le bâtiment. Les camping-caristes aussi, parce que ça évite que les joints s'abîment. Ça permet aussi une protection contre le gel. Donc on est vraiment dans de bonnes conditions pour stocker. Et même par rapport à la maçonnerie, j'ai beaucoup de clients qui me font la remarque que dans nos bâtiments, il n'y a même pas de poussière. Donc pour les voitures, c'est quand même intéressant quand ils commencent à en stocker quelques-unes, qu'ils n'aient pas besoin de faire des poussières régulièrement sur les voitures. Et l'avantage aussi, le panneau sandwich est assez léger. On est sur une structure légère, donc qui fait que nos bâtiments peuvent facilement se monter par pratiquement tout le monde. On fait de toute façon plus de 400 bâtiments par an et on peut pas tous les monter. Donc il faut que nos clients soient capables de les monter. Donc on les aide avec la vidéo, avec les notices de montage, des plans et même une assistance téléphonique. Puis c'est de l'économie. Je pense que tout le monde cherche à aller à l'économie quand on est un peu bricoleur, en tout cas suffisamment pour arriver à suivre un tuto et à monter son... On a deux équipes de montage, on est même amené à en avoir plusieurs, qui peuvent se déplacer dans la France, mais aller livrer et monter un bâtiment, un petit bâtiment de 5 ou 10 mètres carrés à Marseille, c'est rentable pour personne. Mmh. Donc il faut que le client puisse le monter directement là-bas. Et des bâtiments agricoles aussi, non? Vous travaillez un petit peu avec ce secteur-là? Non, très peu. Enfin, on travaille plutôt avec les commerçants, les artisans, mm-hmm. où on propose des bâtiments qui vont faire entre 100, 200, 300 mètres carrés maximum. D'accord. Parce qu'après, au-delà de ces surfaces, ça nécessite d'autres moyens techniques. Et on n'est pas, nous, équipés chez Arcis pour faire ce type de bâtiment, mais déjà, d'accord. des bâtiments de 200, 300 mètres carrés, ça permet de répondre à beaucoup de demandes. Et aussi, ça permet d'installer des surfaces photovoltaïques intéressantes, mm-hmm. notamment pour les commerçants. Justement, quand vous rencontrez des clients, ils ont ce questionnement de pouvoir compléter par du photovoltaïque? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, très vite, ils comprennent qu'en mettant du photovoltaïque, ça leur permet de les aider à amortir l'investissement. Et puis, ça répond aussi parfois à des problèmes de consommation électrique qu'ils peuvent avoir liés à leur activité. Parfois, on a des clients qui ont des consommations électriques qui sont assez importantes. Et le fait de pouvoir leur apporter des solutions photovoltaïques plus batteries, mmh. eh bien, ça les intéresse et ça leur permet encore une fois de mieux amortir leur investissement. Mmh. Et dans ces cas-là, vous leur envoyez Teddy? Tout à fait. On travaille en étroite collaboration avec Triangle Autoconso. Parce que chez Arcis, on n'a pas la connaissance et ni les formations pour faire ce type d'installation. Mmh. Parce qu'il faut des agréments, il faut des personnes qualifiées. Ce que nous n'avons pas chez Arcis, c'est le fait de travailler ensemble. Ça me permet d'apporter au client une solution globale. Il n'a pas besoin de rechercher plusieurs intervenants dans son projet. Il a un seul interlocuteur. Et avec Teddy et Triangle Autoconso, donc on va gérer l'ensemble du projet. Nous aujourd'hui, c'est vraiment notre recherche, comme le disait Guillaume, c'est que en fait tout le monde y gagne. L'entreprise doit être pérenne, parce que si elle est pérenne, elle permettra à ses clients d'être accompagnés tout au long de la vie du projet. Mais le client aussi doit s'y retrouver, sinon on n'a pas lieu d'exister. Donc si tout le monde s'y retrouve, à la fin tout le monde est content. Et notre principe, c'est plutôt de travailler en étroite collaboration plutôt que de prendre quelqu'un qui va tout organiser. On s'organise, nous, entre nos différentes structures. Et on l'a vu, bah, sur le dernier bâtiment qu'on a monté ensemble en photovoltaïque. Mmh. Le bâtiment était censé être terminé le jeudi. Il était terminé le jeudi pour la partie couverture. Le vendredi, le solaire a été installé. Et en fait, tout s'est passé exactement dans les délais qui étaient prévus. Le client, il n'a pas eu de surprise à ce niveau-là. Donc, c'est aussi d'aller c'est chercher cette aussi, qualité. C'est important aussi, cet aspect-là. Oui, oui, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas forcément, mais la rapidité des travaux, oui, c'est important. Et la qualité, en fait, d'aller chercher la précision. C'est ce que nos clients cherchent aujourd'hui. Hein. L'exigence est relativement haute sur tous les projets qu'on fait. On s'en rend compte. Et pour nous, d'être bien coordonnés, de bien communiquer, c'est aussi un enjeu. Donc, c'est hyper important. Et il y a un point aussi qui est important, et là c'était le cas pour ce client-là, c'est qu'il y a tellement de monde sur ce marché-là, on entend tellement de personnes qui proposent des panneaux photovoltaïques. Donc là, le fait de proposer Triangle Autoconso, c'était un lien avec le bâtiment. Le client, ça l'a rassuré pour ça. Il savait qu'il avait quelqu'un de sérieux en face, une entreprise locale en plus, parce qu'on est, situé dans la région centre. Donc c'était important pour lui aussi d'avoir quelqu'un à côté qui allait gérer l'ensemble du projet. Oui, c'est évidemment rassurant, on imagine. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est qu'avec nos deux sociétés, on gère tout l'aspect administratif, c'est-à-dire qu'on va gérer le permis de construire, toutes les démarches auprès des NEDIS, etc. Oh, qu'est-ce donc, que c'est bien, ça. Toute cette partie-là, elle est gérée en interne et proposée aux clients, parce qu'on sait que parfois, de devoir faire les démarches administratives, quand on n'est pas un peu spécialiste, bah, c'est lourd. Ça représente une lourdeur, évidemment. Ouais, c'est très, très lourd, un peu compliqué, il y a des questions auxquelles on ne sait pas trop répondre, etc. Mmh. Alors que dans nos équipes, nous avons des gens qui sont spécialisés pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, et ça facilite le travail de tout le monde. Là, aujourd'hui, par exemple, si je reprends le bâtiment qu'on a fait ensemble dernièrement, pour parler du photovoltaïque, le client, il consommait à peu près 4000 euros d'électricité à l'année. On a installé 28 panneaux solaires, et on vient abaisser sa facture de plus de 60%. Ah oui. Avec, on est quasiment à 70% de diminution de la facture d'électricité, donc c'est... c'est vraiment une quête vers l'autonomie là, pour ce client, donc avec une batterie de stockage notamment. Parfait. Eh bien, on le voit au travers de cette chronique auto-conso. On apprend chaque mois plein de choses. Mais on le voit qu'entre l'aménagement de l'habitat, à savoir ce que vous proposez avec Arcis, François et Guillaume, et puis l'autonomie énergétique, sur ce que tu proposes toi avec Triangle, Teddy, eh bien, on voit qu'il y a des solutions concrètes pour mieux vivre chez soi et sans forcément déménager, pour le coup aussi. On va se retrouver le mois prochain avec une nouvelle chronique avec Autoconso sur Radioactive. Mais avant ça, un rendez-vous que vous souhaitez lancer à nos auditeurs, c'est un rendez-vous pour vous rencontrer et pour voir concrètement, pour voir de vos yeux ce que propose Arcis et puis Triangle Autoconso. Vous serez donc présent à la foire de Tours avec plusieurs stands, Teddy. Exactement, alors on est parti du principe. Alors Arcis est un expert de la foire de Tours, il la fond depuis plus de 20 25 ans. Ans. Ah ouais, plus de 20 ans. Depuis 25 ans, donc c'est beau. Pourquoi ? Parce que le bâtiment, la brise, ça reste un produit qui se voit, un produit qui se touche. Ouais. Et sur la foire de Tours, je vous encourage à venir dans leur bâtiment parce qu'ils sont isolés et en dessous, on est vraiment bien. Donc s'il fait chaud, alors c'est pas toujours le cas de la foire de Tours, mais s'il fait chaud, en tout cas, on y est vraiment bien. Non, mais c'est vrai que quand on avait fait une fois ensemble, j'ai été assez impressionné. Et on rentre dans un de leurs bâtiments, j'ai l'impression d'être sous un arbre lié à cette isolation. Mm-hmm. Et donc on a décidé de faire la foire de Tours ensemble cette année avec deux stands, un en intérieur et un en extérieur. Donc il y aura des abris de jardin, des garages en exposition. Oui, il y aura un garage de 36 mètres carrés et on aura trois abris de jardin de modèle standard de chez nous qui seront exposés pour qu'on puisse montrer les différentes couleurs, les différentes formes et les équipements qu'on peut avoir. Et du carport pour voitures et camping-cars, donc le tout en photovoltaïque avec les chargés d'affaires de chez Arcis pour présenter leurs solutions, les chargés d'affaires de Triangle Autoconso pour parler du coup solaire et pouvoir répondre à toutes les questions. Pour nous retrouver, donc le stand intérieur, Grand Hall, Allée H, stand numéro 7. Et en extérieur, c'est facile, c'est aussi le stand numéro 7. On est côté IKEA, Esplanade d'Ouest, Allée J. Et c'est toujours le même stand pour Arcis en extérieur. Donc pour les fidèles, venez, on demandera à François et Guillaume de préparer l'apéritif. Le rendez-vous est pris. Il faut venir à quelle heure ? Pour l'apéritif. À partir de 9h. Merci beaucoup à tous les trois. Teddy, je rappelle que tu es responsable commercial chez Triangle Autoconso et qu'aujourd'hui nous étions en présence de François Rivière, directeur général de l'entreprise Arcis, et Guillaume Leroyer, technico-commercial chez Arcis également. Merci à tous les trois. Merci. Au mois prochain pour une nouvelle chronique. Exactement. Ne me demande pas qui, quoi, comment, je sais pas. Ce sera une surprise.